bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Ce soir, nous allons entreprendre une série de trois entrevues portant sur l'exploration spatiale et ses défis avec l'astrophysicien Jean-René Roy, professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Dans la première entrevue, nous ferons un rappel des événements qui ont marqué l'exploration spatiale et nous parlerons du premier défi qui est « Quel est l'avenir de l'humain dans l'espace » ou « Que se passera-t-il après la mission de la Station spatiale internationale qui se terminera en 2024 ?» Mais auparavant, Jean-René Roy va nous parler d'une nouvelle publiée hier, le 20 janvier, selon laquelle deux scientifiques californiens auraient découvert, sans l'avoir observé, l'existence de ce qui serait la 9e planète du système solaire. Je rappelle que Pluton avait été déclassé de ce titre en 2006. Alors, bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. 2016. 2016. Oui, effectivement, je tiens à rassurer nos auditeurs, nous sommes en 2016. Alors, Jean-René, qu'en est-il de cette découverte? Comment est-ce qu'on peut prétendre avoir découvert une planète sans l'avoir vue ou même repérée auparavant? Donc, clairement, ce n'est pas une découverte. Okay. Donc, pour la découvrir comme telle, il faut l'avoir photographiée et tout. Ce n'est pas le cas. C'est une prédiction qu'il existerait une planète de 10 fois la masse de la Terre, à une distance qui serait à peu près de 200 à 300 fois la distance Terre-Soleil, ou à peu près 20 fois au-delà de l'orbite de la planète la plus externe du système solaire, Neptune. Ce serait toujours le système solaire. Donc, elle serait très loin. Là. Elle serait très loin et l'hypothèse qui est faite, c'est qu'elle serait relativement massive, comparable en dimension et masse à Neptune elle-même. Okay. Donc, comment on fait cette prédiction qui est audacieuse et l'article est très bien structuré, publié hier. On connaît l'existence depuis un certain nombre de décennies de Pluton. Et en fait, Pluton est la première découverte d'une petite famille, en fait, qui est peut-être énorme en nombre, de planètes naines, qu'on appelle aussi d'objets transneptuniens, parce qu'ils sont des objets de nature plutôt glacée et qu'on sait maintenant être très complexes, comme les images de New Horizons nous l'ont montré. Et ces objets sont au nombre des plus gros, de quelques dizaines maintenant, et il y en a une douzaine d'à peu près la grosseur de Pluton, même si Pluton reste le plus gros des objets. Et tous ces objets transneptuniens, cette petite famille nouvelle, elles ont des orbites très allongées. Elliptique. Très elliptique. Et Pluton est peut-être la moins elliptique. Ah, bon? Et on connaît leur trajectoire comme étant étirée considérablement dans l'espace. Et ce que les chercheurs Constantin Baghitin et Michael Brown ont noté, analysé et refait des calculs, c'est quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que les orbites, d'abord, avaient leur point le plus proche, tout à peu près dans le même coin. Dans la même portion de ciel et tout dans le plan de l'écliptique, dans le plan où sont les planètes, toutes les planètes normales du système solaire. Et aussi que l'étirement de l'orbite était en quelque sorte dans la même portion de ciel aussi. Donc, c'est comme toutes les planètes ont étiré, si vous les projetez sur un plan du système solaire, on l'a tout étiré dans une même direction, d'un même côté du système solaire. Donc, ils ont fait des analyses, pas juste à regarder, mais des analyses de mécanique céleste et tout. Ils ont montré que, d'abord, ce regroupement, c'est cette espèce de combinaison, et peut-être dû au hasard, mais ils ont dit que ce serait qu'il y aurait une chance dans 15 000 que ce soit dû au hasard. Et que plutôt, regroupement et structure des orbites seraient causés par la présence à l'opposé de cet étirement de toutes les orbites d'une planète relativement massive de l'ordre de Neptune. Donc, si je comprends bien, cette prédiction-là vient de l'observation d'écart, finalement, par rapport à ce qu'on attendait de certaines... En fait, on s'attendrait à certains mouvements de Disons que si on a 12 objets qui ont leur orbite elliptique, qu'il y en a une qui soit orientée dans une direction donnée, l'autre à l'opposé, l'autre entre les deux, et non pas qu'elles soient toutes regroupées dans le même coin du système solaire, dans la même direction. Donc, c'est une espèce qu'on appelle, c'est une espèce de combinaison qui ne semble pas être fortuite de paramètres orbitaux. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'on attend l'existence d'une planète. Ouais. Uranus, en fait, avait des déviations. Exactement. Si je pense, hein. Uranus avait des déviations. Donc, dans le passé, l'idée de la planète X vient de Bernard Lowell, uh-huh. 1906, uh-huh. qui prétendait que des perturbations sur la planète Neptune, la dernière découverte, étaient dues aussi, comme on avait prévu Neptune, par des irrégularités dans l'orbite d'Uranus, uh-huh. qu'il y avait des irrégularités dans Neptune qui étaient dues à une planète plus distante. Et c'était la prédiction supposée de Pluton. Et on sait maintenant que Neptune, son orbite est très normale et que Pluton, d'ailleurs, ne pouvait pas causer quoi que ce soit à l'orbite de Neptune parce que sa masse est infime. Elle est très petite. Mais l'idée toujours été là, et là, c'était à partir de mouvements, dans le mouvement d'une planète, dû à une modification causée par la présence d'un corps un peu plus massif dans le voisinage. Cette fois-ci, l'objet est tellement loin, même s'il est assez massif, qu'il ne peut pas causer de ralentissement ou d'accélération des autres planètes internes du système solaire. C'est plutôt ici ce regroupement, tout le monde est un peu dans le même coin, et ceci serait dû parce que il y a quelque chose qui organise le mouvement de ces petits objets, quelque chose de plus massif comme tel. Ça peut pas être quelque chose, un ensemble de petits objets, parce qu'eux-mêmes seraient responsables d'une distribution beaucoup plus fortuite, beaucoup plus au hasard. Alors, présentement, les chercheurs, je pense qu'ils tentent de retrouver la planète. Exactement. Donc, il y a un programme d'imagerie en cours sur un grand télescope à Hawaï qui va imager la portion présumée du ciel où résiderait cette nouvelle planète. Le programme d'observation va être probablement quelques images par mois pour couvrir une grande portion du ciel. Ce sera très long, pendant 5 ans. Et parce que la présupposée planète mettrait environ 20 000 ans à faire le tour du Soleil, elle se déplace très, très lentement dans le ciel. Donc, il faudra reprendre la même portion de ciel peut-être une fois par année et pendant quelques années, comparer pour voir s'il n'y a pas un petit point quelque part qui s'est déplacé. Donc, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, la planète, parce qu'il y a encore, et plusieurs le disent, une probabilité que ce soit dû à la chance, cet regroupement des orbites des transneptuniens. Il est certain que ce programme d'imagerie profonde va probablement révéler beaucoup d'autres transneptuniens, d'autres plutoïdes. Et on va découvrir d'autres choses aussi. Exact. Alors, merci pour ces précisions sur cette nouvelle. Alors, on va revenir sur l'exploration spatiale et ses défis pour l'avenir. Alors, Jean-René, si on commençait par faire le bilan des événements qui ont marqué l'exploration spatiale du début jusqu'à nos jours, alors, tout a commencé en Union soviétique le 4 octobre 1957. Et qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Ce jour-là, c'était le lancement du fameux Sputnik 1, premier satellite artificiel. Et étonnamment, qui a fait basculer les États-Unis dans un état de réaction assez extraordinaire, qui a toujours étonné les Soviétiques eux-mêmes, parce qu'ils avaient déjà, comme les Américains, annoncé qu'ils avaient un programme spatial qui préparait à lancer un satellite, surtout dans le cadre de l'année géophysique internationale de 57-58. Okay. Donc, ça a été finalement le départ de l'ère spatiale. Au début, c'était... Il y avait eu un impact important parce que ça démontrait que les Russes avaient des missiles balistiques importants, parce que c'était les mêmes fusées qu'on pouvait prendre pour lancer un satellite ou pour envoyer une bombe. Okay. Donc, il faut mettre ça dans le contexte. Oui, de la guerre froide. La guerre froide. Donc, les Américains se sont mis à accélérer leur programme pour essayer de lancer quelque chose. Les premiers essais ont été épouvantables. Vous pouvez voir probablement des YouTube qui montrent les fusées qui éclatent, qui détonnent, qui explosent. Qui dévident leur course. C'était tragique. Et donc, l'ère, finalement, a commencé dans un contexte politique littéralement explosif et aussi virtuellement explosif. C'est un fait. Surtout aussi que le premier vol habité par un être humain a eu lieu le 12 avril 61 avec le vol orbital du soviétique Yuri Gagarin. Absolument, oui. Donc, c'est encore une autre avance. Et d'ailleurs, les Russes ont mis en orbite plusieurs astronautes avant que les Américains envoient John Glenn pour 3 tours de la Terre. Puis, ensuite, il y a eu aussi tous les satellites qui ont été mis en orbite. Ça aussi, ça fait partie de la conquête spatiale. Des milliers de satellites ont été mis en orbite, certains pour des fins militaires, mais plusieurs pour des fins utilitaires, satellites météorologiques, satellites de communication, satellites d'observation de la Terre, satellites d'observation astronomique et satellites d'observation du Soleil et de l'espace interplanétaire. Donc, il y en a eu des centaines. Il y en a eu c'est de l'ordre du millier. Puis il y a eu aussi toutes les sondes qui ont été lancées vers la Lune. Et... plus d'une centaine qui étaient dans le cadre d'abord de préparer un atterrissage d'humains sur la Lune, tant par les Russes que par les Américains. Les Russes n'ont jamais réussi. Et aussi dans le cadre de missions d'études de la Lune et de son environnement. OK, donc ces sondes-là étaient surtout pour aller chercher des données, j'imagine. Oui, absolument. Les premières, c'était d'abord d'établir un site sécuritaire où on pourrait faire atterrir des équipes d'astronautes. Ah bon, OK. Ouais. Mais il y a aussi à peu près autant de sondes qui ont été envoyées ailleurs, comme par exemple à peu près j'ai répertorié à peu près 112, 113 sondes qui sont allées vers d'autres planètes. On a parlé il n'y a pas longtemps de la sonde New Horizon qui a atteint Pluton. Donc, toutes les planètes ont été visitées. Mettons, Pluton, planète mineure, ont été visitées. Quelques astéroïdes ont été visités. On a parlé de Cérès, qui est visité par Dawn en ce moment même. Et Vesta a été visité. Donc, tous les objets du système solaire de Mercure à Pluton ont été visités par des sondes interplanétaires. Qui étaient envoyés dans le but d'aller chercher de l'information. Oui. Et donc, on reviendra dans une prochaine émission sur tout ce volet d'exploration robotique des objets lointains. D'accord. Et en plus, il y a eu aussi les vols habités du programme Apollo. Oui, donc ça a été un peu une déception. Plusieurs ont dit qu'Apollo, ça a été la fin du programme spatial. Ah bon? Ça a été tellement une espèce de mouvement d'effort colossal qui a très bien réussi. Donc, en quelques années, Kennedy a lancé le défi au début des années 60. Et en 69, les Américains faisaient atterrir un équipage de deux astronautes avec un qui est resté en orbite. Et il y a eu 6 missions où des astronautes ont débarqué sur la Lune, exploré la Lune et ramené plusieurs dizaines de kilogrammes d'échantillons lunaires qu'on est encore en train d'analyser et qui nous ont permis de mieux comprendre le processus de formation de la Lune et de la Terre. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ce programme-là que, en fait, que l'homme a atterri sur la Lune pour la première fois le 20 juillet 69 aussi. Eh oui, et on n'est pas retourné depuis ce temps-là. On est incapable de le refaire à l'heure actuelle. Ah bon, c'est quand même incroyable. J'imagine qu'on va en reparler plus tard. Alors finalement, tout ça, c'est une belle épopée, mais maintenant, on va parler du premier défi que pose l'exploration spatiale. Alors Jean-René Roy, de quoi sera fait le futur de l'humain dans l'espace dans peut-être un petit peu moins de 10 ans, mettons en 2014? En fait, d'ici 10-20 ans, la question est intéressante parce que personne ne le sait. C'est l'impasse complète pour déterminer qu'est-ce qui va se faire d'abord avec la Station spatiale internationale au-delà de 2024 et qu'est-ce qu'on fera en plus de la Station spatiale si on l'abandonne ou que d'autre on fera. Donc, à l'heure actuelle, la Station spatiale est en opération depuis 2000. C'est un projet de l'ordre de 120 milliards où plusieurs pays ont investi. Donc, c'est une belle dimension de la Station spatiale internationale. C'est le caractère international de la collaboration, des modules qui ont été mis ensemble. C'est un système très complexe, très gros. Et d'ailleurs, y a une chose qui est remarquable à visionner, c'est un petit vidéo qui montre comment les éléments de la Station spatiale internationale ont été assemblés au cours des années, comment les différents modules ont été posés quelque part et ensuite repositionnés ailleurs pour d'autres fins. Donc, le projet quand même a été très critiqué, mais c'est un projet quand même fort intéressant qui fait pratiquer l'homme à être dans l'espace. Et ça, c'est une dimension cruciale pour établir qu'est-ce qu'on va faire au-delà comme tel. À l'heure actuelle, j'y reviens, les Américains, la plupart des grands partenaires contribuent, ont promis de financer le maintien, l'entretien et l'utilisation de la Station spatiale internationale jusqu'en 2024. Au-delà de 2024, les Américains ont dit probablement non. La seule chose, les Américains ne savent pas ce qu'ils vont faire. Les Russes, eux, sont intéressés. Et je ne serais pas surpris aussi que les partenaires européens, probablement canadiens et japonais, soient intéressés à continuer à maintenir les activités de la Station spatiale internationale. Surtout que les Russes ont les moyens, d'ailleurs ce sont que les Russes qui ont les moyens à l'heure actuelle d'emmener des astronautes, de les ramener sur Terre et de faire les très gros approvisionnements. Sauf que maintenant, la NASA utilise des contracteurs avec des fusées comme SpaceX pour commencer à approvisionner la station orbitale. Mais les Américains sont vraiment, avec l'arrêt du programme de la navette spatiale, ont vraiment comme reculé dans leur capacité d'explorer l'espace circumterrestre spatial. Alors ça, c'était le principal objectif, là. Et d'apprivoiser finalement le vivre dans l'espace. Oui, c'est beaucoup, puis aussi de faire beaucoup de techniques. Okay. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, pour revenir à la question? Il n'y a pas de programme défi. Il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de concepts. Et ce qui est le plus concret à l'heure actuelle, c'est le programme chinois avec sa station orbitale Tiangong, qui est en train, qui a maintenant deux modules. Et les Chinois progressent très lentement, procèdent de façon très sécuritaire, très organisée. Et ils l'ont dit clairement, eux, leur but, c'est d'atterrir un équipage humain sur la Lune au début des années 2020. Donc, c'est les seuls qui ont un programme concret, clair et net à l'heure actuelle. Mais ailleurs dans le monde? Non, ailleurs dans le monde, c'est sûr, il y a des inconnus dans le programme russe. On parle de vols habités, là. Dans les vols robotisés et tout, on y reviendra dans une prochaine émission. Les idées sont beaucoup plus claires. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Prenons le cas des Américains. Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque président américain, depuis Kennedy, a développé supposément une vision de la présence humaine dans l'espace. Et à l'heure actuelle, Obama en a une aussi. Okay. Et chaque président américain a parlé d'un retour à la Lune, Bush et tout, mais n'a jamais mis l'argent, parce que ça va coûter très cher, et n'a jamais réussi à convaincre le Congrès. Le président propose et le Congrès dispose. Exactement. Et dans le cas de l'exploration spatiale vols habités, il y a manque d'accord, désaccord complet, presque continuel, entre les membres du Congrès et même du propre parti du président en poste et le président elle-même. Et il y a aussi un certain désaccord parmi des gros joueurs, entre guillemets. Est-ce qu'on va sur la Lune? Est-ce qu'on retourne sur la Lune? Est-ce qu'on va vers Mars? On peut y revenir. Ou est-ce qu'on va sur un astéroïde? Aller vers Mars, extrêmement complexe. On peut y revenir. Aller à la Lune, on peut le refaire avec ce que les Américains sont en train de remettre sur place, un nouveau véhicule de lancement, une nouvelle fusée. Est-ce qu'on parle du projet Orion? En effet, Orion. Et là, on est en train un peu de reconstruire un peu ce qu'on avait fait pour le projet Apollo. On recopie, entre guillemets, au moins du point de vue des grandes idées, des concepts, ce qu'on a fait il y a 50 ans. C'est aussi ridicule parce qu'il n'y a plus de plan. La fusée Saturn V, qui était un engin extraordinaire, en fait, on n'est pas capable de la reconstruire. Il a fallu redessiner et refaire maintenant ce nouveau véhicule qu'on va probablement utiliser pour retourner à la Lune et où aller, ce qui est une idée lancée par Obama et quelques-uns, d'aller visiter un astéroïde relativement proche qui serait une espèce de solution intermédiaire et probablement une façon de s'assurer qu'on aurait les bons outils pour aller vers Mars, qui va être quelque chose de beaucoup plus complexe et beaucoup plus coûteux. C'est un fait. Alors, parlons-en de Mars. Pour ce qui est de l'exploration sur la planète, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en développement présentement? Non, il n'y a aucun projet pour l'exploration humaine de Mars, malgré certaines idées farfelues là, d'envoyer des gens qui ne reviendraient pas. On commence, je vois maintenant certaines activités beaucoup plus structurées pour établir qu'est-ce qui est nécessaire pour faire le design détaillé d'une mission d'humain, d'un équipage de 3, 4, 5 personnes, d'ailleurs on ne sait pas combien, qu'on enverrait pour une mission vers Mars et qu'on ramènerait, tout le monde suppose qu'on va revenir, et qui durerait, disons, avec un séjour de l'ordre d'un mois sur Mars, qui durait à peu près 500 jours. Mm-hmm. Et les défis sont nombreux. Tout à fait. Les défis scientifiques. Là. Les défis technologiques. Technologiques, ouais, oui. Technologiques sont nombreux. C'est d'abord de maintenir des humains en vie, uh-huh, en santé, physique, psychologique et morale pendant, uh-huh, cette période-là. Même s'il y a eu des astronautes qui ont passé l'équivalent en jours dans l'espace autour de la Terre, entre autres un astronome russe qui est bien connu, certains autres aussi cumulent de grandes dimensions, mais ça va des sources d'énergie qu'il faut y avoir. Tout à fait. Ça va de la bouffe. Tout à fait. Qu'il va falloir probablement, non pas seulement emporter, l'eau qu'il, ben oui, qu'il faudra non pas seulement emporter, mais qu'il faudra peut-être aussi arriver à produire in situ sur Mars, de l'agriculture qu'il faudra développer et mettre en place sur Mars pour assurer comme tel, parce que d'amener toute la bouffe, ce serait peut-être possible, mais la solution à long terme ici, c'est vraiment la culture, d'y aller beaucoup plus, oui, systématiquement. Donc, une chose intéressante, c'est qu'on fait de la culture à bord de la Station spatiale internationale, ah, okay, actuelle. Et d'ailleurs, et vous montrez où on en est cette semaine, Scott Kelly, un des astronautes américain qui est à bord, a envoyé la photo de la première fleur qu'on a réussi à faire pousser oui, et fleurir dans l'espace. Oh. Donc, ça vous dit où on est avant de faire pousser des carottes sur Mars et du maïs sur Mars. On a pas mal de chemin à faire. Puis en plus, c'est la protection des astronautes contre les rayons du contre, soleil aussi. Exactement. Généralement, les astronautes orbitent en l'intérieur de la coquille de protection qu'est le champ magnétique terrestre. Donc, uh-huh, ils sont protégés des rayons cosmiques. Et quand on va vers la Lune, on peut généralement se protéger dans le sens qu'on regarde la météo solaire, entre guillemets, on peut prédire s'il y a des éruptions qui s'en viennent ou pas à peu près, et c'est pour des vols de très courte durée quand on va à la Lune. Mais pour Mars, ce sera toute une autre affaire. Donc, il faut avoir toute une structure pour protéger les astronautes de la radiation. Donc, il y a plusieurs techniques de base qui sont connues, mais qui implique souvent d'avoir du matériel, des couches de matériel protectrices qui bloquent ces rayons cosmiques, ces particules de hautes énergies. Pour protéger les humains. Ou l'autre façon, la plus simple, c'est finalement qu'il y a une section dans le module dans lequel les astronautes vont voyager où ils pourraient se réfugier, uh-huh, pour se protéger. Ce qu'on fait dans le cas de la Station spatiale internationale, qui est une immense structure, il y a des endroits où ils peuvent se protéger. Les abris. Même si il y a quand même la protection du champ magnétique terrestre. Oui, c'est un fait. Et puis, évidemment, ce projet-là ne pourra pas se faire par un seul pays. Ça va vraiment prendre une collaboration internationale. Donc, à l'heure actuelle, grande question, grande critique de l'approche américaine. Contrairement à la Station spatiale internationale, qui est une très belle collaboration internationale, oui, oui, les Américains, dans cette prochaine phase, soit de retour à la Lune, soit d'aller à un astéroïde, soit d'aller vers Mars, veulent le faire tout seul. Oh. Et ce sont des projets de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards, juste retourner à la Lune, et on évalue le coût d'une mission vers Mars et de retour d'astronautes à l'ordre de 500 milliards de dollars. Oh là là. Le budget annuel de la NASA à l'heure actuelle est de 18 milliards de dollars. Okay. Alors, il n'y a pratiquement rien pour le programme de Mars. Donc, il y a beaucoup de défis. Ils sont surtout d'ordre politique. Oui. Ils sont d'ordre de politique internationale, oui, de collaboration et aussi technologique, là, des défis colossaux d'ordre technologique. Alors, ce ne sont pas les défis qui manquent pour poursuivre l'exploration spatiale dans les années qui viennent. Jean-René Roy, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le mois prochain, nous aborderons les défis que représentent les futurs vols robotisés vers des autres planètes, le Soleil, les astéroïdes et les comètes. Alors, je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Nous allons faire une courte pause publicitaire et musicale et on vous revient avec Adèle Mazurek qui va nous parler de la capacité des chiens à percevoir les émotions des humains. À tout de suite.